troisième signe, c'est le saint béni soit-il, faisant tomber une rosée de sang, qui sera vue par les nations du monde comme de l'eau, dont ils boiront et dont ils mourront. Et même les impies d'Israël qui désespèrent de la rédemption en boiront et mourront. Mais les justes qui retiennent la foi dans le saint béni soit-il, ne seront pas atteints comme il est dit. Les doctes resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui ont enseigné la justice à un grand nombre, comme les étoiles, pour toute l'éternité. Et le monde entier sera du sang pendant 3 jours. Comme il est dit, je produirai des signes dans le ciel et sur la terre, sang, feu, colonnes de fumée.